Chapitre 4. Joseph revint au logis de la rue de Savonnières, subjugué et enchanté. « Oui, nous sommes devenus amis, » disait-il quelques jours après à Angèle qui le questionnait à propos de René. Puis il ajoutait dans son langage émaillé de comparaison « Il a plus d'esprit que moi, mais j'ai plus de tendresse que lui. Son verre est toujours plein d'une liqueur capiteuse et pétillante. Je ne verse dans le mien qu'un petit vin clairet, sentant le terroir, mais réchauffant et cordial. De temps à autre, nous échangeons nos verres, et nous ne nous en trouvons pas mal. » En effet, depuis cette première entrevue, René et Joseph se lièrent intimement. Des armoises venaient souvent rue de Savonnières prendre Toussaint au sortir de l'étude. Il lui arrivait même d'entrer chez Madame Sénéchal à une heure où son ami devait évidemment être absent. Sous prétexte de l'attendre, il s'asseyait dans la salle où Angèle était occupée à coudre à côté de sa mère. René avait l'air de se mettre à l'aise avec les gens de toutes conditions et de le mettre eux-mêmes à leur aise. Il eut bientôt conquis le cœur de Madame Sénéchal. Il se plaisait à faire jaser Angèle et s'amusait de son babil enthousiaste. Sachant qu'elle avait appris ses vers, il se donnait le plaisir de les lui faire répéter. Il lui marquait les intonations, réglait sa diction et applaudissait gaiement quand l'interprétation l'avait satisfait. La mère Sénéchal ne se sentait pas de joie en écoutant sa fille. Elle suivait, bouche béante, la cadence des vers sans y rien comprendre, ne s'attachant qu'aux notes musicales de la voix d'Angèle. Elle s'extasiait la première à tout propos et ne se lassait pas de parler du talent de sa fille. Après le départ de René, celui-ci allait lentement se rasseoir près de la fenêtre et le front appuyé contre la vitre, écoutait le bruit monotone du canal, sans s'apercevoir que la nuit était venue, tant il y avait de lumière au fond de sa rêverie. Grâce à des armoires, Joseph devenait presque un mondain. Insensiblement, il s'était fait le satellite de ce nouvel astre qui l'entraînait despotiquement dans son orbite radieuse. René s'était emparé de lui et l'avait associé à ses plaisirs bruyants, dîner, parties de chasse et parties de campagne. Mais au fond, tous ces divertissements ne satisfaisaient guère le cœur de Toussaint. Ce qu'il aimait, ce qu'il mettait au-dessus de tout, c'était les bonnes heures de la veillée entre Angèle et sa mère. Après souper, M. Sénéchal, à qui son tempérament apoplectique commandait impérieusement de prendre l'air, sortait pour faire son tour de trottoir. Joseph alors lisait un roman de femmes occupées à broder et dont les têtes penchées sous l'abat-jour se touchaient presque. On se sentait si bien chez soi, rideaux tirés, portes closes, tout était si calme, si intime. On n'entendait que le froissement des aiguilles piquant la toile cirée et le clapotement de l'eau sous les fenêtres. À 9 heures, M. Sénéchal rentrait, les poches bourrées de marrons. Il les fendait lui-même minutieusement et les déposait dans le four du poêle, tandis que Joseph poursuivait sa lecture au crépitement sec des marrons sur la plaque de tôle. Peu à peu, une friande odeur de châtaigne rôtie se répandait dans la salle. Le maître clerc allait dénicher sur la plus haute planche de l'armoire une bouteille de fignolette, et ils faisaient à eux quatre un modeste souper assaisonné d'éclats de rire. Mis en bonne humeur par le vin doux, Madame Sénéchal prenait dans sa boîte à ouvrage un vieux jeu de piquet, et après une série de réussites finissait par tirer les cartes à Angèle, qui accueillait ses pronostics avec un grand sérieux. Il y avait invariablement dans son jeu un homme de la campagne, venant de bien loin et apportant de grandes nouvelles avec beaucoup d'argent. Il n'y aurait rien d'impossible, disait la mère Sénéchal en réponse au haussement d'épaule de son mari. Mon grand-père avait un oncle qui est parti dans le temps pour les Indes, et qui peut-être y est devenu riche. On a vu des choses plus étonnantes. Joseph écoutait gravement ses bilbesées, regardait Angèle, si blanche à la lueur de la lampe, et souhaitait tout bas d'être ce mystérieux homme de campagne dont l'arrivée devait faire la fortune de la jeune fille. Angèle l'occupait chaque jour davantage. Elle s'était doucement glissée au fond de son cœur et y tenait déjà une maîtresse place. Jusque-là, les femmes n'avaient guère joué de rôle dans la vie de Joseph. Il ne connaissait que sa sœur Geneviève, et sauf cette affection fraternelle, toute la région de l'amour féminin avait été pour lui comme ces espaces blancs des cartes géographiques sur lesquelles on lit « Contrée inconnue aux voyageurs ». Depuis son installation dans la maison Sénéchal, il lui semblait qu'il pénétrait chaque jour un peu plus avant dans ce monde inexploré. Pour le séduire, Angèle n'avait pas eu besoin de déployer beaucoup de coquetterie. À dire vrai, elle n'y avait mis aucune préméditation. Elle traitait le nouvel hôte de son père comme elle avait traité son prédécesseur, avec le même sans-façon, le même enjouement espiègle et inconscient. Mais cela suffisait pour rendre Joseph heureux. Il était du petit nombre de ceux qui donnent beaucoup et exigent peu. Son imagination, comme certains verres d'optique, avait la propriété de tripler les rayons qui passaient à son foyer. Le moindre mot amical prenait pour lui la proportion d'une caresse. Un sourire d'Angèle lui tenait chaud tout le jour, et le soir, après lui avoir serré la main, il montait content dans sa mansarde, où il passait une partie de la nuit à se bercer dans son rêve de prédilection. Une maisonnette à Albestroff, avec un jardin plein d'arbres fruitiers, et sur le seuil, une jeune femme blanche aux yeux de bluet, réchauffant tout le logis de sa tendresse. C'était le château en Espagne de Joseph. Du reste, ce logis de la rue de Savonnières était voué aux chimères des châteaux en Espagne. On en baptisait à tous les étages. On eût dit que les brouillards du canal formaient une atmosphère propice à la construction de ces vaporeux édifices. Au fond de leur alcôve, M. Sénéchal et sa femme passaient une bonne heure chaque soir à édifier chacun le leur. Les châteaux du maître Clerc étaient d'une architecture un peu vulgaire, mais carrés par la base et bâtis à chaux et à sable. Ceux de Mme Sénéchal s'élançaient merveilleusement dans l'air comme des palais de féerie, mais généralement l'escalier manquait, et on n'y pouvait monter qu'avec des ailes. Les deux époux étaient d'accord sur un seul point, le château était bâti à l'usage exclusif d'Angèle. M. Sénéchal comptait la marier un garçon rangé, doux et honnête, dans le genre de Joseph Toussaint. Mais ce nom seul faisait faire la grimace à Mme Sénéchal. Elle voulait un gendre plus distingué, un homme du monde ou un artiste comme M. Desarmoises. Voilà ce qu'il fallait à Angèle. Là-dessus, le père Sénéchal haussait les épaules et s'écria avec humeur. « Es-tu folle, Desarmoises ? Je n'en voudrais pas avec toute sa fortune. Un écervelé, un coureur de théâtre qui se ruinera avec des cabotines. » En attendant, cet écervelé, objet de la terreur de M. Sénéchal, conspirait tout doucement pour emmener Angèle à un bal par souscription, dont il était le principal commissaire. Il venait de quitter le deuil de son oncle, et avant de partir pour Paris, il s'était mis en tête de faire ainsi ses adieux à Baie. Joseph, endoctriné par son ami et séduit par les promesses d'une valse, était entré dans le complot. Même, il avait employé ses économies à se commander un habit. L'idée de danser avec Angèle lui trottait par la tête et le poussa à ce luxe, jugé jusque-là inutile. Pendant 15 jours, on avait veillé en cachette pour préparer la toilette de la jeune fille, et le jour de Pâques arrivé, M. Sénéchal finit par donner son consentement à la condition qu'il ne serait pas de la fête. Ce fut sous l'escorte de sa mère et de Joseph qu'Angèle, parée d'une jolie robe de tarlatane blanche, fit son entrée sous le vestibule de la mairie. Mme Sénéchal, sanglée dans sa robe couleur flamme de ponche, se rengorgeait à l'idée de l'effet que produirait la beauté d'Angèle aux lumières. Quant à celle-ci, qui assistait pour la première fois à un vrai bal, elle sentit un frisson de plaisir à la vue des girandoles, des fleurs et des toilettes. À peine était-elle assise, qu'on joua une valse et Joseph lui offrit le bras. Angèle lui préférait débuter avec un danseur plus brillant, mais Toussaint avait sa parole et il ne paraissait pas disposé à la lui rendre. Ils partirent. En sa qualité de Lorrain allemand, Joseph se vantait de savoir valser. Pourtant, après 2 ou 3 tours, le pauvre garçon, ébloui par les lumières, coudoyé par les danseurs et dérouté par les longues jupes qui venaient s'embarrasser dans ses jambes, perdait la mesure et finit par tourner à contre-temps. Il ne se décourageait pas néanmoins, il s'était juré qu'il valserait, il y mettait de l'entêtement et entraînait sa danseuse dans un tournoiement insensé quand celle-ci s'arrêta net et lui demanda grâce. En ce moment, René passa près d'eux. « Quoi ? » dit-il à Angèle, « vous ne profitez pas mieux de cette jolie valse ? Permettez que nous la dansions ensemble. » Et sans plus de façon, posant son bras autour de la taille de la jeune fille, il enleva la barbe de Joseph stupéfait. « Le fait est qu'il valse mieux que moi !» songea le brave Toussaint en les regardant tourner légèrement dans le cercle des danseurs. De vrai, c'était plaisir de les voir glisser ensemble à travers la foule, se berçant à la mélodie de la valse et causant du bout des lèvres. « C'est la première fois que je danse avec vous, mademoiselle Angèle, » murmura René. « La première et la dernière, puisque vous allez quitter Baie. Quand partez-vous »« Dimanche. » Et en prononçant ce mot, il souriait. Ses yeux pétillaient de plaisir à la pensée de Paris qu'il allait revoir. « Vous êtes bien heureux. Une fois là-bas, vous oublierez vite Baie et ses habitants, » ajouta-t-elle en étouffant un soupir. « Vous vous trompez. Je me souviendrai toujours de mes amis. Je me rappellerai souvent la maison de la rue de Savonnières, où l'on entend chanter l'eau sous les fenêtres. « Bien vrai ?» dit-elle, et sa figure s'épanouit. La valse était finie, il la reconduisit à sa place, et longtemps après son départ, elle resta immobile, le regardant de loin, passée entre les groupes bourdonnants, au milieu desquels son énergique tête noire et frisée se détachait comme la lumineuse figure d'un demi-dieu. Elle lui était reconnaissante de daigner se mêler à la foule et de permettre au commun des mortels de le voir et de l'admirer. Le bal était dans son plein épanouissement, quand vers 11 heures se produisit un incident qui devait amener dans la vie calme et moutonnière de la société de Baie une série d'événements dont on s'entretient encore aujourd'hui. Entre deux quadrilles, et dans un moment où le milieu de la salle était vide, on vit entrer un vieil avocat nommé M. Brouillard, et que les plaisants s'obstinaient à appeler l'avocat Brouillard à cause de son esprit mal équilibré. Maître Brouillard n'était guère un coureur de bal, mais ce qui augmenta la surprise, ce fut de voir à son bras un inconnu, dont la mine et les façons produisirent sur les bourgeois de Baie une impression étrange. « Souffrez, dit l'avocat à l'un des commissaires, que je vous présente M. Gaspard la Genevraie, un de nos célèbres voyageurs. Il arrive de Java, après avoir fait 2 fois le tour du monde. » L'étranger salua d'un air hautain et continua de s'avancer lentement, la tête haute, bombant en avant sa large poitrine et dandinant légèrement sa taille encore svelte sur des hanches que la cinquantaine n'avait ni épaissies ni décharnées et qui semblaient moulées juste à point sous le casimir d'un pantalon à sous-pieds. Sa tête puissante, encadrée dans une crinière de cheveux jadis noirs et soigneusement teints, ainsi que les moustaches, avait dû être très belle. Un front large et sillonné de quelques rides, un nez d'aigle aux ailes mobiles, un teint brun olivâtre, lui donnaient un grand air. Ses yeux noirs avaient encore de l'éclat, néanmoins, à eux seuls, ils auraient révélé ce qu'était l'homme. Leurs paupières largement cernées, veuves de cils veinés de filets rouges, disaient l'aventurier qui a usé et abusé de la vie. Sa bouche, au coin tombant, le disait aussi, montrant, quand elle s'ouvrait, une denture à claire-voix. Elle avait au repos une expression cynique et fatiguée. Mais quand ses yeux et cette bouche s'animaient dans la conversation, il y passait encore des rayons ironiques et spirituels, et on y retrouvait par éclair ce qu'avait dû être le personnage au beau temps de sa jeunesse. Gaspard la Genevraie était en effet l'un des derniers types de cette génération excentrique qui assista de 1835 à 1840 au coucher de soleil du romantisme. Après avoir essayé tous les genres littéraires, il avait versé dans la politique comme ces peintres malchanceux qui versent dans la photographie. En 1848, on l'avait vu un moment président de club et orateur en plein banc. Puis, il avait fait un brusque plongeon et s'était volontairement exilé. On l'avait depuis rencontré au Mexique entre les compagnons de Raoul et Boulbon et en Californie avec les chercheurs d'or. Il avait tâté de tout, socialisme, religion nouvelle, industrie. Il avait même été consul dans je ne sais quelle ville de l'archipel malais. Pour le quart d'heure, ainsi que l'avait annoncé l'avocat Brouillard, il revenait de Java et rentrait au port, semblable à un solide navire qui a essuyé de nombreuses avaries, mais qui garde encore une fière tournure en dépit de sa mâture désemparée et de son pavillon délavé par les embruns de la mer. Debout, le coude appuyé à la balustrade de l'orchestre, l'une de ses jambes croisées, la main dans l'entournure du gilet, il regardait de haut toutes ces têtes de provinciaux qui le dévisageaient à la dérobée, et de temps en temps il échangeait quelques mots avec l'avocat. « Voyez-vous, lui demanda ce dernier, cette grosse femme assise près d'une jeune fille en blanc ?»« Oui, répondit la Genevraie d'une voix de basse-taille, la fille était jolie avec son air d'ange qui rêve à des fredaines. Mais la mère est fagotée comme une marchande de pommes. « Chut !» reprit l'avocat, « la mère représente l'une des principales souches de cette famille Morel dont nous avons parlé. » « Diantre !» Alors, mon cher, conduisez-moi près d'elle. » L'avocat, suivi de son compagnon, s'approcha de Madame Sénéchal, qui ouvrait des yeux ronds, et lui murmura d'abord quelques mots à l'oreille. « Si j'ai entendu parler d'un parent qui partit jadis pour les Indes ?» s'écria tout haut la bonne dame. « Oui, da, c'était l'oncle de mon grand-père, un Jacques Morel, qui avait quitté Baie avant la Grande Révolution, et dont on n'a jamais eu de nouvelles. » « Eh bien, repartit l'avocat, je puis vous en donner. » « Du moins, monsieur la Genevraie, que voici, vous dira que votre parent est mort là-bas, sans enfant et laissant une fortune. »« Colossal !» interrompit la Genevraie en s'inclinant légèrement. « Jacques Morel est mort en 1825 à Batavia, d'où j'arrive. Il était célibataire et n'avait point testé de sorte que sa magnifique succession était mise sous le séquestre par le gouvernement hollandais à défaut d'héritiers connus. Mais je représente l'un de ses héritiers, moi !» s'écria Madame Sénéchal, qui croyait rêver. « En ce cas, madame, reprit la Genevraie de sa voix théâtrale, je vous en fais mon compliment, et je puis vous donner tous les renseignements nécessaires pour revendiquer votre héritage. »« Sainte Vierge, dit la mère d'Angèle toute tremblante, Et cette succession se monte à 24 millions. Madame Sénéchal pâlit et se sentit prête à défaillir. « Oui, » s'écria la Genevraie en regardant lentement à droite et à gauche les voisins ahuris. « 24 millions, sans compter les intérêts, madame.